avait conduit d'une main docile au milieu d'un bonheur tranquille. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera, on ne se quittera pas, quel bonheur. Il faisait des projets, il disait qu'il se marierait, ils effeuillaient tous les deux comme les amoureux, les marguerites des jours heureux. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout, quel malheur. Nous aurons des enfants, des petits, des moyens, des grands, et puis nous achèterons, quand nous nous marierons, une station-service où nous cacherons notre bonheur. Nos 6 enfants, toutes les fleurs du printemps, quel bonheur. La guerre s'est déclarée sur le champ, on l'a envoyée. Elle est restée toute seule avec les enfants que d'autres lui ont fait pendant ce temps. Un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout par des œuvres.